Après un long trajet, il me reste 50 km à parcourir. Je suis fatigué. Il est préférable d'accélérer pour abréger la fin du voyage. Réponse A. De continuer prudemment. Réponse B. De m'arrêter pour me reposer. Réponse C.